Dr Tony et Arbatax tous les mardis de 17h à 18h sur Radio Panique. Salut tout le monde, Tortoli, Arbatax. Yes. Ça va? C'est Radio Panique, il est 17h, salut Tortoli. Salut Arbatax. Merci d'inaugurer le bal. Merci. Mardi 9 novembre 2010, vous êtes sur le 105.4, vous nous écoutez peut-être sur internet, sur le panique.org. C'est l'heure de Tortoli Arbatax et aujourd'hui, une spéciale. Cucu, une spéciale sexe. Yarrow. Nous demandez pas pourquoi. Toi Tortoli, je sais pas si tu sais pourquoi. C'est venu un peu comme ça. Parce que t'aimes ça? Oui. Coquin, bah. Coquin. Bon, alors aujourd'hui, voilà, de la musique qui traitera, dont le thème sera le sexe. Voilà, loin de nous de marcher sur les traces de nos ancêtres, le doc, D-Fool, et tout ça qu'on a pu écouter il y a quelques années. Nous, ça va être à base de son. Exact, exact. Il y aura du hardcore, mais il y aura aussi du soft, pour ceux qui aiment plutôt le romantisme. Mais comme tous les mardis, on commence par un générique un peu pourri. Un petit peu pourrave. Alors la sélection pourrave de la semaine, easy, hein. Easy, même j'ai envie de dire. Easy, c'est parti. Pierre Perret, l'amigo. Afin de nous ôter nos complexes au gay, on nous donne des cours sur le sexe au gay. On apprend la vie secrète des angoisses et de la bébête, ou de ceux qui trouvent dégourdis de montrer leur bigoudi. Une institutrice très sympathique nous en explique toute la mécanique. Elle dit nous allons planter le décor au gay, de l'appareil masculin d'abord au gay. Elle s'approche du tableau noir, on va peut-être enfin savoir quel est ce monstre sacré qui a donc tant de pouvoir. Et sans hésiter, elle nous dessine le petit chose et les deux orphelines. Tout, vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou qui a un grand coup, le gros touffu, le petit joufflu, le grand ridé, le montpellé. Tout, je vous dirai tout sur le zizi. Des zizi, y en a toutes les couleurs, au gay, des boulangers jusqu'au ramoneur, au gay. J'en ai vu des impulsifs qui grimpaient dans les calcifs, j'en ai vu de moins voraces tomber dans les godasses. Je suis d'un mécanicien en détresse qui a jamais pu réunir ses pièces. Y a le zizi tout propre du blanchisseur, au gay. Celui qui a mis donne la main de ma sœur au gay, j'ai vu le zizi d'un curé avec son petit chapeau violet, qui juste en pleine ascension fait la génuflexion, un lever de zizi au crépuscule, et celui du pape qui fait des bulles. Tout, vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou, qui a un grand coup, le gros touffu, le petit joufflu, le grand ridé, le montpellé. Tout, je vous dirai tout sur le zizi. Le zizi musclé chez le routier, au gay, se reconnaît à son gros col roulé au gué au gué. J'ai vu le zizi affolant d'un trapéziste ambulant qui apprenait la barre fixe à ses petits enfants. L'alpiniste et son beau pic à glace. Magnifique au-dessus des grandes. Ça va-t-il toi l'alpiniste avec son gros pic à glace? Celui tout musclé du routier. Exact. Vous écoutez oui. Tortoli et Herbatax, c'est la spéciale sexe. On fait une émission spéciale. Panique. Ça va transpirer dans les caleçons. Cette semaine au programme, il y aura l'agenda Q comme d'habitude à la mi-émission. Il y aura l'attendue expression de la semaine. Ah. On pourrait pas la faire tout de suite ? Non, on attend le suspense encore. Ok, un peu de suspense, ça nous fait pas de mal. On va continuer à s'exciter tranquillement. Si ouais, tu vois ce que je veux dire. Pour l'instant, c'est tranquille. Là, Tortoli, j'ai même pas une demi-molle. Exact, c'est un peu tranquille, mais je vais lentement te faire monter la température. Une sorte de préliminaire, quoi, en fait. En train de, c'est un cours que tu nous fais, Tortoli. C'est un véritable cours. Appelle-moi sexologue pour cette soirée. Je sens que ça va être graveleux. Retenons-nous. Avant d'être trop graveleux, je te propose un extrait du nouvel album de Philippe Catherine, intitulé Philippe Catherine. Et tout sobrement, tout modestement. Ça s'appelle J'aime tes fesses. Rao. Le grand coup, le gros touffu, le petit joufflu, le grand ride et le Montpellier. Oh oui, c'est l'émission spéciale sexe de Tortoli et Herbatax. Quel sacré cochon ces deux-là. Oh oui. gorge collant, nylon, mes escarpins, mon pantalon, sa petite culotte, ses mocassins, un grain de beauté, une tache de vin, des petites dentelles, une salle de bain, excitation, introduction, une étincelle à profusion, bord jardel et gros nichon, soutien gorge collant, nylon, soutien gorge collant, nylon. Hey, de retour, vous écoutez Tortoli et Herbatax, c'est la spéciale. Spéciale sexe. Exact. Je suis tout émoustillé. Oui, je vois ça, que se passe-t-il? Alors, petit... Que se passe-t-il, mon petit Herbatax? Non, tout va bien, je... Non, ça va. Pas de soucis. Éloignez donc les oreilles sensibles pendant cette heure d'émission. Vous êtes avec Tortoli Herbatax. Attention, c'est l'heure de l'expression de la semaine. Cette semaine, ça va clasher dur. Tortoli, mets ouais. Tes gants. Qui dit expression de la semaine dit... Générique de malade. Générique de malade. Je sais que tu l'aimes bien celui-là. Ouais, mais surtout quand ça accélère. Le petit... Enfin, le je te ferai signe. Le petit medley. Tu m'entendras de toute façon. Allez, on rappelle, la semaine dernière, se rencontrait, était en compétition, la Latch. Défendu par moi-même. Tortoli. Et une expression un petit peu longue, je vais quand même la retrouver, qui s'appelait « On n'est pas venu là déguisé en feuille de chou pour se faire brouter le cul par des lapins », défendu par myself. Et voilà, on arrête les votes. François myself. François myself. Chouette ton pseudo. Et donc, on serait sur un 2-2, on serait sur une égalité. Ouais, 2-2. Les votes sont clôturés depuis 1 minute 22. Et effectivement, 2-2. Voilà, donc. Maître Vergès qui officie aujourd'hui. Voilà. Verge. Voilà, exactement. A attribué un match nul. Merci à ceux qui ont voté. Bah, remarque, il y a 2-2, on pourra presque citer les noms. Hein. C'est vrai qu'il y a un moment donné, on va pouvoir faire les big up personnalisés, quoi. C'est vrai, presque, mais on va. On va juste se contenter d'annoncer le classement général. Si tu vois ce que je veux dire. Le total des scores depuis le début de ce jeu. Ah, mon passage préféré. Attends, je te le laisse. Merci. Voilà, total, on est à 5-2, il me semble. Exactement. Voilà. Exactement. Oh, tu comptes les 1 point pour une égalité, c'est ça? Ouais, je t'en. Bah oui, parce qu'autrement, t'aurais pas de points. Ah, si, bon, aussi, tiens. Ah, mais non, mais j'avais une victoire, moi, la toute première fois qu'on l'a fait. On va rechercher dans les annales. Bon. Spécial sexe. Allez, 5-2, c'est bien. Non, mais 5-2, du coup, les gars, ouais, d'accord. On va revoir les scores. Je vais retravailler un peu ça, je suis pas sûr. Cette semaine, je commence par mon expression. Cette semaine, c'est pas vraiment une expression, c'est une manière de détourner les mots qui consiste à terminer tous les mots en ul. Donc, la syllabe ul. Donc, au lieu de dire tranquille, vous dites tranquille. La syllabule. N'est-ce pas la migule? Mais oui, je ferais bien un consyllabule. Un consyllabule. Ça, c'est un vrai mot qui se termine en ul, mais on peut mettre ul à toutes les sauces, quoi. J'attends voilà. Des exemples. Une émission de radule. Ça me fait bien plaisir de parler dans le micro-ul. Quelle heure est-il sur ta pendule? des trucs comme ça, non ? Arrête de faire des bulles. Ok, pas mal. Voilà. J'aurai l'occasion de citer 2-3 exemples. J'attends patiemment, même si je sais déjà ce que c'est. D'ailleurs, j'apprécie d'avance, je te le dis, hein, j'apprécie ton concept d'expression de la semaine. T'es pas au courant ? Je te dis, non, parce qu'après ça va clasher, je te le dirai plus, donc je te le dis maintenant. T'es pas au courant, je viens de changer. Ah merde, ok. Je viens de changer mon expression de la semaine. Allez, vas-y, on voit. J'ai eu une éclaircie dans l'escalier. Je voulais faire un petit rapport avec la spéciale sexe d'aujourd'hui. Mm-hmm. Et mon expression de la semaine est « je m'en lèche les babines ». Il y a un rapport avec le sexe, t'es sûr? Tu l'interpréteras comme tu voudras, mais moi je le vois un peu comme ça. Il y a un petit côté coquin, mais il y a un côté aussi... Oh, dès que ça accélère, ça me rend malade. Folie ce morceau, c'est de la folie. Voilà, je m'en lèche les babines d'écouter encore la fin de ce morceau. Voilà. Tu t'en lèches les babines. Voilà, je me lèche les babines. Allez, le clash est lancé, t'as face raison. Face à l'expression hule. Hule, l'amigule, tranquille. Et bah, je te propose pour bien te lécher les babines de continuer sur cette spéciale sexe. Qu'en penses-tu ? Eh ben, je pense qu'il est 17h20, il est temps de s'en remettre dans la musicule. Envoie-nous le morsule, tortolule. Qui rigolule au fond de son studio tulle. Ah, tu la connais celle-là ? Brrrr, Caraïbule. Tu veux mon zizi ? Francky Vincent. C'est Radio Panique, c'est Tortolière Batax. On est ensemble jusqu'à 18h. Kiff, Kayef. Tu veux mon zizi ? Je vais te le donner, oui, oui, oui, oui. Tu veux mon zizi ? Oui, oui, oui, oui. Je vais te le donner, oui, oui, oui, oui. Tu veux mon zizi ? Oui, oui, oui, oui. Je vais te le donner, oui, oui, oui, oui. Tu veux mon zizi ? Oui, oui, oui, oui. Je vais te le donner, oui, oui, oui, oui. Viens ce soir dans ma demeure, tu auras toute ma chaleur. Viens ce soir dans ma cabane, tu ne connaîtras pas la panne. Viens ce soir dans ma bicoque, toi la poule et moi le coq. Viens ce soir dans ma villa, tu verras, tu reviendras. Tu veux mon zizi ? Je vais te le donner, oui, oui, oui, oui. Tu veux mon zizi ? Oui, oui, oui, oui. Je vais te le donner, oui, oui, oui, oui. Tu veux mon zizi ? Oui, oui, oui, oui. Je vais te le donner, oui, oui, oui, oui. Tu veux mon zizi ? Oui, oui, oui, oui. Je vais te le donner, oui, oui, oui, oui. Viens ce soir dans ma casbah, tu en resteras baba. Viens ce soir dans mon bungalow, me faire voir des gros lolos. Viens ce soir dans mon tipi, tu verras mon petit kiki. Viens ce soir dans ma petite case, tu verras si je suis naze. Tu veux mon zizi ? Oui, oui, oui, oui. Je vais te le donner, oui, oui, oui, oui. Tu veux mon zizi ? Oui, oui, oui, oui. Je vais te le donner, oui, oui, oui, oui. Tu veux mon zizi ? Oui, oui, oui, oui. Je vais te le donner, oui, oui, oui, oui. Tu veux mon zizi ? Oui, oui, oui, oui. Je vais te le donner, oui, oui, oui, oui. Simplement que les queues sont très longues et qu'elles durent plusieurs heures. Je vais ce soir vous faire bander et aimer la République. Mais on ne connaît pas un autre type de queue qui est probablement le plus éprouvant pour la population, c'est les queues de pierre. Parce qu'évidemment, ces queues-là ne peuvent pas se dérouler physiquement. Dans la lumière. Alors, cette queue est... Enfin, vous êtes en train, une assemblée de porte de grâce, de nous traiter de ridicules. Il y a l'égalité de tous devant la queue, mais... On s'en sert en général que 2-3 fois par an. Madame, non, monsieur Fagnot. Partouze. Ah, non, monsieur, moi je fais le sexe. Ce qu'il y a de plus profond dans l'homme, dans la femme. Bref, il y a une économie politique des queues. Merci à tous, et comme je vous l'avais bien dit, finalement j'avais eu raison d'intituler cette émission « Les écrivains sont de drôles de zig ». Bonsoir à tous, à la semaine prochaine. Et ont parfois de drôles de hommes. Embrasse-moi, mets ton doigt dans mon cul. Embrasse-moi, mets ton doigt dans mon cul. Une présence ambiguë. Une présence inconnue. Jusqu'à ce que j'en peux plus. Embrasse-moi, mets ton doigt dans mon cul. Embrasse-moi, mets ton doigt dans mon cul. Une présence ambiguë. Une présence inconnue. Jusqu'à ce que limite, 17 ans à la limite, je ressuscite. Hey, de retour, vous écoutez Tortoli et Herbatax, c'est la spéciale sexe. Spéciale sexe, sexe and the city in city Brussels, Brussels City. Quelle référence de malade. Bon, 17h30, moi ça me dit quelque chose, ça me dit moitié de l'émission, ça me dit que c'est la journée cul. L'agenda Q. L'agenda Q. L'agenda Q. Q. Culturel. Et ouais, c'est l'agenda culturel direct. Bon, qu'est-ce ça. Ah, moi je ne démarre pas mon agenda culturel tant que. Je pensais que t'allais faire une petite définition de l'agenda culturel. En quoi ça consiste ? Eh ben, en quoi ça consiste ? Comme toutes les semaines, Tortoli et Herbatax, on fait une petite sélection des soirées, des expos, des concerts, en fait, de tous les événements culturels de Bruxelles capitale et parfois d'ailleurs. Et voilà, en général, on a une petite sélection bien léchée. Toujours. Normal, c'est la spéciale sexe. Et c'est Guillemette qui pose les questions. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait ce soir juste après ? Alors, ce soir. Ce soir, c'est parce que non, c'est un spécial sexe. Alors tu vois, j'ai. Bah, prends une voix un peu plus. Dans le caleçon. Un peu moins rural. Ruralule. Ce soir, concert de Public Enemy à l'ancienne Belgique. Et ouais, c'est les 20 ans de Public Enemy, de 20 ans qui sont formés. Voilà. Donc il y a déjà toujours pas déformés. Il y a déjà des gens sur le trottoir, boulevard Hanspakul. Je pense, ouais. À l'ancienne Belgique. En train de faire la filili sous la pluie. Et il reste des places. C'est 33 en loc et 36 sur place. 33 pour les locs ? Ouais. D'accord. Voilà, dites 33. Et voilà, le set, il sera composé essentiellement de morceaux issus des trois premiers albums. Les trois premiers, le best-of, quoi. Old school. T'as quelque chose le mardi, toi ? Rien du tout. Rien du tout. Rien de tel. Question guillemets. Et les paquets qu'on fait demain. Demain, mercredi 10 novembre. Tortolule. Qu'est-ce que t'as à nous proposer, Lul? Je vous propose une soirée in... I need radio, pardon. I need radio. You need a radio, ouais. Okay. La soirée, c'est au 123 rue Royale. Voilà, il y a des concerts, il y a... Toi, t'es parmi les mecs qui disent 123. Ouais, 1, 2, 3 aussi. Si t'es un peu hype, ouais, là, c'est ça, c'est 1, 2, 3. Soirée I need radio. Et il y aura des conférences, il y a des débats, il y a plein de choses autour de la radio et des lives musicaux. Donc c'est de la radio en direct, enfin ça diffuse ou quoi? C'est quoi cette soirée là? Ça diffuse. Ça diffuse ou quoi? Bien. Bah, tu pourras t'en lécher les babines à l'aise, mais c'est mercredi au 123 rue Royale. Ok. Voilà, plus d'infos, je vais faire mon Arbatax. Allez voir sur internet, I Need Radio, 123 rue Royale. Et toi, mercredi? Et moi, soirée au canal à 22h. La soirée s'appelle It's Kind of Magic. Il y aura notamment les DJs The Magician. Excusez-moi pour mon accent tulle. Non, pas mal. The IQ Live, et puis surtout Yuxek et Brodinski, deux DJ un petit peu plus connus, quoi. Ça, c'est à 22h au canal. Ce mercredi. Et puis, deuxièmement, un peu moins cher, puisque c'est gratos, c'est 100% gratuit, c'est au Cirque Royal, c'est le concert de solidarité internationale, plus ou moins organisé par la mairie de la commune de Bruxelles, l'échevin du développement et de la solidarité, et en coopération avec chronix.be, seront présents comme artistes Omar Perry, Singila. Ça doit être pour Singila, c'est je pense. C'est pour Singila. Ouais, bien vu. Prezi H de la Porte de Nanam. Celle-là aussi, elle est pour... Pichot. Etc. En fait, c'est sous le signe, c'est surtout pour symboliser l'anniversaire de l'indépendance de 17 pays africains. Donc c'est gratos, mais par contre, n'oubliez pas de réserver. Je vous donne l'adresse à laquelle il faut envoyer un mail, solidaritéinternationale@brucity.be, 02 279 21 16, si vous voulez directement téléphoner à base de base. Pas mal. Moi, ce mercredi, j'ai aussi une soirée, c'est au Recyclard, c'est la soirée Stainage. Voilà, une soirée dubstep électro, il vous en coûtera 10 euros. Programmation, Ramadan Man, Bon Zero, Grimelock, du lourd, de 22h à 5h du mat. BJ. Eh les gars, qu'est-ce qu'on fait jeudi? Jeudi, oui. Jeudi 11 novembre. Férié. N'oubliez pas. Tortolule. Jeudi. Ouais, c'est férié, bah c'est pour ça que je ne parle pas. D'accord. C'est l'armistice. Tu chômes. Je ne dis rien. Très bien. J'avais vu sur internet qu'il y avait un rassemblement pour la Belgique qui est un petit peu en crise politique. Il y avait un rassemblement Facebook, un peu, un délire comme ça. J'ai vu que c'est annulé, donc voilà. Si quelqu'un comptait se pointer là-bas, c'est reporté au 27 novembre. Donc restez chez vous, tranquillule. Tranquillule, mon ami Gull. Pardon. Mets du son, barbeau. Ah pardon, j'étais en train de me palucher, tranquille. Excuse-moi. Alors, on était sur le mercredi. Reste un peu avec nous. Me semble-t-il. On était sur le jeudi 11 novembre, jour férié. Passons directement au vendredi, j'ai envie de dire. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait vendredi pour commencer bien le week-end? Tortelis des propositions? Moi j'en ai sinon. Vendredi, moi je vais... Enfin, ça peut être applicable au vendredi, au samedi, au dimanche, au jeudi, n'importe quand. Je vais voir l'expo Gilbert et Georges... qui est à l'espace Beaux-Arts, et c'est 10 euros, c'est de 10h à 18h chaque jour, et c'est du 29 octobre au 23 janvier. Je l'avais déjà dit ça la semaine c'est dernière. C'est vendredi. T'es un tout naze. Moi j'ai la soirée Regulate, donc les fameuses soirées Regulate, je pense que c'est la 7ème édition. Cette fois-là ce sera la Bodega rue de Birmingham, du côté du Sablon je pense. Numéro 30 rue de Birmingham, à partir de 22h soir Regulate. Cette fois-ci nous aurons le finlandais Rico Tubbs. Voilà. Là en cause. Ben, j'ai choisi ça parce qu'il y avait une petite thématique sexe, donc Rico Tubbs, voilà. Qui fait de la bass music, donc des trucs un petit peu boostés, un peu à la sauce anglaise, quoi, un peu à la UK. À la sauce anglaise, oui monsieur. Et puis il y aura aussi DJ Melo, organisateur des soirées Low Up. Il y aura aussi Dave Lux et Gelatine du collectif Regulate. Il y aura aussi Kesmo Dirty K, et tout ça c'est à la Bodega vendredi. J'ai aussi rue du Marché au Charbon, donc en plein centre-ville, à la Rainbow House, la maison arc-en-ciel, la soirée d'ouverture de la Hell Week, L pour Tortolis, tu suis un peu Lâche-moi la Hell Week. Laisse-moi tranquille. Lâche-moi. Elwick, c'est Liège en flamand. Ouais, non, hein, c'est Lille. Ah non, c'est Elwick, pardon. Oh, pardon. Hop. Ok. Oui, lesbienne. Elle pour lesbienne. Bien vu. C'est ça ? Voilà, c'est ça. Soirée d'ouverture de la Elwick qui donc s'inaugure ce vendredi à la Maison Arc-en-Ciel avec DJ Dynamo. Ah bah oui, le fameux, sur son vélo. Humour. Et puis Wonders. Voilà, ça, c'est, y aura des expos, des conférences, etc. jusqu'au 20 novembre. Mais ce soir, c'est, enfin, ce vendredi, c'est la soirée d'ouverture. Très bien. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait samedi en mode Saturday Night Fever? Alors, ce samedi, bah moi j'ai rien. Et mon petit Arbatax? Bah non, mais on va finir par le. Bah, juste pour dire qu'il reste 3 jours de Festival du film méditerranéen en Botanique. Donc, il reste jeudi, vendredi, samedi. Allez voir la programmation sur www.cinemamed.be. Cinemamed. C'est signé Mamed. Cinemamed.be, c'est pas une blague. Voilà, donc toutes sortes de docu, de films. Les films fiction, les longs métrages, c'est 5€, 4€ en tarif réduit. Les documentaires, c'est 3€ au tarif unique. Ça se termine samedi 13 et il y a une soirée de clôture. Par contre, c'est un petit peu plus cher, c'est 18€. Mais il me semble qu'il y a de la bouffe et il me semble qu'il y a un petit peu de musique pour accompagner tout ça. La zouz ou pas? Très bien, c'est samedi. Voyons ce qu'il y a plus tard. Et oui, les gars, à partir du dimanche et la semaine après, il y a des trucs. Ah ouais, il y a des trucs. Lundi, il y a Black Keys en concert à l'ancienne Belgique. Pas dégueulasse. Mais on vous en reparlera sûrement mardi, on vous passe un petit son. Parce que c'est lundi. Parce que c'est complet et c'est lundi, mais on en reparlera juste le lendemain. Dans tous les cas, tu peux pas y aller. Ah d'accord. Parce que c'est complet et parce que c'est lundi. T'es peut-être pas au courant que... que je peux avoir des places. Ah, t'es un malade, toi. Je suis un gueudin. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire à part ça? Lundi? Ouais, lundi ou dimanche. Des raviolis. Moi, je n'ai plus rien. Je considère que l'agenda Q est terminé. Je pense qu'il est 17h38, que nos auditeurs demandent du son. C'est Radio Panique. On va leur donner. Tortoli, tu as la main sur le petit bouton. Tu nous annonces? Je peux pas te le dire. Non. Lady. Aïe. Oh, c'est bon. Allez, bois ton huile de ricin. C'est gras. Termine ce litre, fillette. Oui, mais pas plus, hein. Et brûle-moi le bout des seins. Avec quoi? Oh, disons de ta cigarette. Ça sent cochon grillé. Pour avaler une araignée. Tu nous en fais bien des histoires. Toujours des araignées. Faut terminer ta bouchée. Oui, mais la dernière. Tu vois, c'est pas la mer à boire. C'est toi qui le dis. C'est ton heure d'être fouetté. Au chic alors. Apporte-moi vite la badine. Ah, ce que j'aime ça. Après tu pourras m'enfoncer. Quoi mon amour? Toutes ces punaises dans la poitrine. Ça va être formidable. Il te faut manger ta purée. Cet air dégoûté. Je voudrais t'y voir. Non, je t'en prie, pas de grimaces. Elles sont pas fraîches, tes limaces. Je n'arrive pas à couper. Bah, qu'est-ce qui se passe? Avec les ciseaux de ton oreille. C'est pas de chance alors. Tant pis, allons nous recoucher. T'as raison. Parmi nos tessons de bouteilles. Oui, perdons pas de temps. Laisse-moi taillader ton dos. Avec un épluche légume. Un peu plus bas. Puis refais-moi ton numéro. Lequel, chérie? De tatouage aux portes brunes. t'en raffoles, hein? Tortolier, Arbatax, les deux grosses mythes de Radio Panique. Let's go! Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Thérèse. Oui, je t'encule, Thérèse. Je te prends, je te retourne contre le mur, je te pèse par tous les trous, je te défonce, je te mets, Thérèse. C'est cela, oui, oui, oui. C'est cela, oui, oui. Je parierais que tu t'imagines déjà que tu suces ma bite au rythme des coups de fouet de mes couilles sur ta gueule. Il osait pas me toucher. Il a fallu que je déshabille moi-même, sinon on y sera encore. Puis tout d'un coup, c'est parti tout seul, comme ça, dans mes mains. Il s'excusait, il me demandait pardon. C'est quand même pas ça qui t'a fait prendre ton pied. Mais attendez! Alors, je le prends contre moi sur le lit. Je lui dis, pleure si t'en as envie, ça fera du bien. Alors il se met à pleurer. Mais tout en me faisant l'amour, maladroitement. Et puis là, tout d'un coup, c'est parti. Une deuxième fois. Comme ça, au bout d'une minute. Tu parles d'une affaire. Mais attendez! Tu vas voir, c'est au bout du troisième coup que tout a démarré. Je lui demande si je suis sa première femme. Il me répond oui. Et là, il se remet à me faire l'amour. Lentement. En m'embrassant. Et alors là... Ouais, bon, bah, ok, ça va, on a compris. Non, mais alors là, je vous assure, sans blague. Voilà, ça, c'était en 1973, de part. Pas mal ce petit mix son. En mode bien, en mode bien Tortoli. Yes, c'était CSS qui est remixé par Spankrock. CSS, Kansei Ser Sexy. En brésilien, ça veut dire marre d'être sexy. Et voilà. Quelle et le culture. Titre, c'est... Quelle culture. Le titre, c'est Let's Make Love. Faisons l'amour. Avec, quelques couches rajoutées par Selecta Tortoli. Et bien aidé par Sergent Arbatax. Il y a eu des valseuses, il y a eu du... Les nuls, il y a eu pas mal de choses. Alors là, les enfants, on va arrêter de déconner. Il va falloir s'éloigner du poste. Les préliminaires, bon, je pense qu'on en a fait assez là. Je pense qu'on s'en lèche les babines. Oh merci, c'est gentil de renforcer. Pas de soucis. Ça s'apparente à un but contre son camp ce que je viens de faire là. Un petit peu, mais bon, moi je t'en ferai un. Un CSC. Voilà, j'essaye, c'est difficile. Alors, il faut terminer en hul. Ah oui, c'est ça le... Ah oui, pardon. Il faut terminer en hul. Ah oui, l'hul. Ah non, ça marche pas. Arbatule, tu peux dire. Oui, je regarde la pendule et je me dis que c'est l'heure de passer en mode hardcore. En mode hardcore. Avec MC Warrior, tu peux nous en dire quelques petits mots. MC Warrior, attention, ça va durer 40 secondes. Un petit délire pas dégueulasse de nos amis du Groland. Rappelez-vous. Tu m'as cherché, ouais, tu m'as trouvé, tu m'as allumé bébé. Alors moi le matin je l'ai déballé. Et maintenant tu chiales, chiales. Pour une petite douleur anale. Tu l'as voulu hein. Ouais, tu l'as eu. Un grand coup dans ton cul. Tu l'as voulu hein. Ouais, tu l'as eu. Un grand coup dans ton cul. On a kiffé. Ouais, on a tiré. On a fait ça sans artifice. On s'est fait tous les orifices. Alors viens pas dire que t'as mal. Mal. À ton petit trou de balle. Tu l'as voulu, hein. Ouais, tu l'as eu. Un grand coup dans ton cul. Attends, je vais te la mettre part. Oh non, je veux pas ça. Putain. Tu l'as vu. Bah tu la verras plus tant que j'aurai pas le droit de pénétrer dans ton cul. J'allais jouer. Eh bah tant pis pour toi, il te reste les yeux pour pleurer, pour toucher ta tes doigts. Putain, j'en ai plein le cul, pas pouvoir bourrer le sien, il me reste quoi moi. La chatte et les seins. Ouais, les mains et puis la bouche aussi. Mais question sodomie, je peux vraiment pas parler de tes parties. Hardcore jusqu'à la moelle, je kiffe la nalle. Quand j'ai pas ton trou, je deviens fou, c'est un scandale. Pourtant ça m'obsède. Dans mes rêves, je vois ton anus qui cède. Et là, je te bourre le fion face au hardcore. Je touche le fond, je creuse encore. C'est pour les fédés, moi j'y vais à sec avec le gravier. Dans ton anus, ça va faire on va brûler la viscérale. Pas le plaisir, je suis pas l'amour. J'ai tellement ton cul, quand tu pailleras, on verra le jour. Pas de pitié, pas de tendresse, sauf ces patates dans tes fesses. Elles se font tatouer, percer, elles s'épilent les poils. Et maintenant elles vont dire que la sodomie ça fait mal. Putain, si j'avais un diam à la place du gland, je te jure que pour y aller, j'aurais pas besoin de mieux que j'en. Mais bon, c'est comme ça et c'est pas autrement. Pour cet emplacement, c'est uniquement pour les excréments. Pourtant, j'ai vu des films où ils faisaient autre chose. Avec où les meufs étaient contre-vêtues et les mecs pour les secs. Tu bois quoi? Tout ce que tu veux. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir te mettre? Je te mets un, deux, trois doigts. Faut préparer le terrain pour l'anaconda. Écarte les pattes et détends-toi. Ça y est, je rentre en toi. Tu parles de sodomie. Je rentre en frénésie. Je crois que je perds vite la tête quand ça sent trop l'andouillette. Je perds la raison quand je vois trop d'ambions. Je te bourre le fion, passe au hardcore. Je touche le fond, je creuse encore. C'est pour les fédés, moi j'y vais à sec avec du gravier. Dans ton anus, ça va faire mal. On va frôler la viscère anale. Et pas le plaisir, je suis pas là pour. J'ai tellement ton cul, quand tu pailleras, on verra le jour. Pas de pitié, non, tendresse, ah. Sors ces patates, tes fesses. De retour, la spéciale sexe de Tortoli et Arbatax. Hey, voilà. Ça va-t-il, Arbatax? As-tu parce que je n'étais point là. Est-ce que tu as annoncé qui quel morceau on vient de passer? Non, c'était MC Circulaire avec le morceau Sodomie. Tout simplement. Et juste avant, c'était MC Warrior issu de Groland. Issu de Groland, ouais. Du label Groland. Voilà, artiste de 1992 avec leur album Un grand coup dans ton cul. Vous retrouvez tout ça sur internet. Il va être temps de se quitter tranquillement. Tortoli Arbatax, ça touche à sa fin. Très bon ça. Tortoli, tu m'entends? Tortoli. Bon, et ben Tortoli a l'air un peu occupé. Je sais pas ce qu'il fait de l'autre côté en régie. Ok, bon, je vais laisser Tortoli dans ses activités, dans ses pérégrinations nuptiales. Il est juste temps de se quitter, merci d'avoir passé une heure en notre compagnie. C'était Tortoli Arbatax, la spéciale sexe. Il est... Ah ça y est, j'ai fini. Ah bah t'es de retour. Ça va? Tu faisais quoi là? C'était quoi le... J'étais tranquille, j'étais peinard. Attends, j'ai besoin de toi, de tes mains, de tes doigts. N'en dis pas trop s'il te plaît. Non, je parle pardon, de ça. J'étais occupé, je croyais que tu entendais que j'étais occupé, mais non. Alors je vous rappelle vite fait l'expression de la semaine. On a besoin de vous, on a besoin de vos votes. Cette semaine, c'est l'expression, tous les mots qui se terminent en « ul » que je défends, donc « tranquille », etc. Faut pas hésiter à lâcher du « ul ». Voilà, contre l'expression « je m'en lèche les babines », qui est plutôt d'actualité. Qui est très très d'actualité. Toutes mes expressions sont d'actualité. Tout à fait dans la thématique. Voilà, donc vous votez sur Facebook Tortoli et Arbatax ou vous nous envoyez un petit mail à tortoli@gmail.com. Très bien. Et ben, je t'en remercie pour cette la playlist de l'émission de cette semaine et les archives des anciennes émissions. Et pas des prochaines, vu que non, c'est pas possible de retrouver les archives des prochaines. Vous retrouvez ça sur radiopanique.org ou aussi sur le Facebook. Vous êtes sur le 105.4. Tortoli, est-ce que t'en as une grosse? Une grosse émission la semaine prochaine, bien sûr. J'allais dire une grosse chanson, un classique. Ah quoi. Oui, un Big Tunes. Ouais, j'ai de l'homme à moustache. Un homme à moustache? Tu vois ce que je veux dire? Bah, j'en ai en face de moi, quasiment. T'as un miroir? D'ailleurs, il y a un petit air de ressemblance avec justement notre ami Georges Brassens. Qui va nous aider à peaufiner, à terminer. Yes, la chanson s'appelle Fernande. Et voilà, Georges Brassens, ça fait plaisir quand même qu'on passe ça dans Tortoli Arbatax. Ça fait plaisir. C'est assez rare. Et voilà, un peu de bon son, un peu de bon sens. Tonton Georges. Fernande. Allez. Des gros bisous à tous. On vous laisse avec G-Boutique, Hubert et Emeric, qui cette semaine ont un invité dans la deuxième partie de leur émission et qui vont parler de la musique capverdienne. Vous êtes sur Radio Panique. Il est bientôt 18h. À la semaine prochaine, Tortoli. Au revoir, Arbatax. Ciao. Des bisous.